Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen, cours numéro 16. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد تمام on corrige l'exercice le seul qui avait d'ailleurs je crois pas aujourd'hui du ders خامس عشر كلمة كور يقول أولا صحيح ما يلي أبو بكر معه Mujalladun. Abu Bakr a avec lui un magazine. Faisal ma'ahu Mujalladun. Thaniyan, Faisal talibun jadidun. Faisal est un nouvel élève. Humayun talibun jadidun. Non, Humayun talibun jadidun. Thalithan, Bashirun kataba al-ajubata bil-qalam al-ahmar. Abd al-Rahim kataba al-ajubata بالقلم الأحمر. رابعا حمزة غائب اليوم. هشام غائب اليوم. طيب. On avait dit également le 11. نعم. اكتب الجملة الآتية مستعملا في التعجب. طيب الجملة الأولى يقول انظر إلى هؤلاء طلابي الجدد هم كثير. Regarde ces nouveaux élèves. Ils sont nombreux. Qu'est-ce que tu as C'était juste la fin que je devais changer. Ah oui, non. Ma aksarahum. Non, ma aksarahum. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux? Thaniyan, unzur ila hadi sayarati. Hiya jamila. Regarde cette voiture, elle est belle. Ma ajmalaha. Non, qu'est-ce qu'elle est belle. Thalithan, huwa faqirun. Il est pauvre. ما أفقاره؟ لا. أفقاره؟ ما أفقاره نعم. كيس كلي بوف. رابعا أرأيت ذاك البيت هو صغير. As-tu vu cette maison? Elle est petite. ما أصغره؟ نعم ما أصغره. طيب. لا لا الناهية. Dans quelle catégorie de l'irlog elle est classée? Dans quel bébé il rentre? La nahia. Harf mada. Harf. Jazm. Non, harf jazm. Wa maya alamat jazm. C'est quoi le signe jazm asli? Sukun. Sukun. Non. Et avec les verbes qui finissent par anoun, amsil et khamsa, comme tadhabouna, yadhabouna, tadhabina, et la gaïd alika, c'est quoi la alamat jazm? Le signe jazm, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont majzouma? C'est fier le la? Qu'on enlève le noun? Naam, hasf le noun, qu'on enlève le noun. Allez, sur la troule, fiders, sadis, achar. 16e leçon. Et celle-ci se rapporte surtout auprès du verbe arada yuridu, qui veut dire vouloir. Arada yuridu, qui veut dire vouloir. Nam. Anasa akra mekan el ab, ou anta mekan el akhalin. Moi j'ai le ab, et toi tu vas lire tous les deux. Tayeb, yakul. Aturiduna shay'an min souqi ya abnai. Ana el en adhabu le masjidi, wa sadhabu le souqi ba'da salah. Donc il dit, voulez-vous quelque chose du marché, ô mes fils? Je vais maintenant au masjid et ensuite j'irai au marché après la salat. Donc, Aturidun, c'est ça en fait. Aturidun, ça vient du fi'l, comme je l'ai dit. Arada yuridu, c'est un ruba'i, un rab à quatre lettres. Donc il commence par, on verra après ça, Inch'Allah. Naam. Naam, nuridu ashya'a kathiratan. Disent oui, nous voulons beaucoup de choses. Al-Ab, Maza turid ya Omar. Que veux-tu, ô Omar? Uridu qalaman. Non, il dit je veux un stylo. الأب ما عندك قلم أنت بادو ستيلو بلى عندي قلم أزرق أريد قلم أحمر أريد قلما أحمر نعم إذا سي j'ai un stylo bleu je veux un stylo rouge الأب ماذا تريد أنت يا عمرو que veux-tu toi عمرو oh عمرو أريد دفترا نعم دي je veux un cahier أما اشتريت لك دفترا في الأسبوع الماضي Ne t'ai-je pas acheté un cahier la semaine dernière? Donc, ishtaraitu, ça veut dire verbe ishtara, yashtari, qui veut dire acheter. Ishtara, yashtari. Naam. Bala, walakin dhaka al-daftara waraquhu ghayru musattarin. Musattarin. Musattarin. Uridu daftaran dha waraqin musattarin. Naam, il dit ici, cependant ce cahier-là a des feuilles sans ligne. Des pages, c'est des pages blanches en général sans ligne. Non. Je veux un cahier qui ait des feuilles avec des lignes. Et là, quand il dit Uridu daftaran za warakin zattara, la za c'est comme zou. Vous voyez, za c'est comme zou. Et Inch'Allah, on avait dit que les mots comme za, comme zou ou abu ou akhu, quand ils sont mansoub, c'est avec une. Ou avec un alif. Inch'Allah, ça viendra dans le vers. Kazalik. Al-Abi Akul, ماذا تريد أنت يا هشام? Que veux-tu, toi, ô Hisham? Ana ma uridu shay'an al-an. Il dit, moi, je ne veux rien actuellement. Al-Abi Akul, Aina akhuka al-Husayn. Où est ton frère, al-Husayn? Wa fi al-hammami. Il est dans la salle de bain ou la toilette. الأب ماذا يريد هو؟ Que veut-il lui؟ هو يريد حلاوة. حلاوة. حلاوة. Il dit lui veut des sucreries, des bonbons. الأب يقول ماذا تريدنا يا بنا يا بنا بنا بنات enfin. Que voulez-vous aux les filles aux filles plutôt il n'y a pas d'alif ولام Que voulez-vous aux filles؟ يا أبتي أنت اشتريت لي ملف ملفاً ملفاً ملفاً قبل أسبوع أريد الآن ملفاً آخر. Donc Aïcha a dit, oh cher père, tu m'as acheté la semaine dernière un dossier. Quand on dit ملفاً, c'est un dossier peut-être un rangement pour dossier. Je ne sais pas ce qu'il veut exactement. Mais ملف souvent c'est un dossier ou un classeur. Ouais, c'est un classeur je pense là. أريد الآن ملفاً آخر. Je veux maintenant un nouveau classeur ou dossier ou rangement. الأب يقول ماذا تريدين أنت يا حفصة؟ Que veux-tu toi ou حفصة؟ أريد حاقبة. لا. أريد حقيبة. حقيبة. Elle dit je veux un sac. Un sac يعني comme un cartable ou une sacoche. الأب يقول ما عندك حقيبة؟ N'as-tu pas déjà de sacoche؟ بلى عندي حقيبة. عندي حقيبة. حمراء. حمراء. أريد حقيبة أخرى سوداء. Kassadi, si j'ai un sac rouge, on va dire une sacoche plutôt là, comme c'est au féminin. Hamra, en fait, c'est le moines de Ahmar. Tayyib, Hamra, c'est le moines de Ahmar. J'ai une sacoche rouge, je veux une sacoche. Je veux une autre sacoche noire. Et Ukhra, c'est le moines de Akhar, qui veut dire autre. Et Saouda, c'est le moines de Aswad, qui veut dire noir. Elle a bien cool. Maza tulidina ya Souad, que veux-tu au Souad? Indi mistaratun saghiratun, uridu ukhra kabiratun. Ok, dit j'ai une règle, j'ai une petite règle, je voudrais une grande règle, ou une autre grande règle. Elle a bien cool. Maza tulidina anti ya Leila. Que veux-tu, toi, Leïla? Uridu mushafan. Non. Non. Uridu mushafan dha harfin kabirin. Donc elle dit, je voudrais un mushaf avec des grandes lettres, une grande écriture. Elle a bien cool. Ama tulidi nashe'en, ya Salma, ne veux-tu pas quelque chose au Salma? Bala. Uridu. مجمع معجما معجما Inquilisia wa akhara Faransia. Non, mais d'ici, je voudrais un dictionnaire anglais et un autre français. Al-Ab yakul, ama turid ummuk shay'a? Ta mère ne veut rien. Ma adri as'alaha as'aluha. Dit, je ne sais pas, est-ce que je la questionne? Al-Kul nam is'aliha. Il dit si, interroge-la. Ou oui, interroge-la plutôt. تقول إنها تريد ثلاثة أمتار من هذا القماش خذ هذا نموذج يا أباتي Donc il dit Salman, Salma plutôt, sort, ensuite elle rentre peu de temps après. Donc elle dit en parlant de la mère, qu'elle veut 3 mètres de ce tissu ou étoffe. Prends cet échantillon, oh cher père. Donc t'as mouzège, voyez, c'est échantillon, et koumèche, c'est tissu, étoffe. Elle a bien cool. Sa ashtari lakum ma turiduna insha'Allah. Il dit je vais vous acheter ce que vous voulez, insha'Allah. D'être ingénieur, lui, il a l'air d'avoir de l'argent. Non. Allez. Ma foule est neuf. Donc, le tamarin, minal awel, wassani, fil bait. Les deux à la maison. Donc, comme on l'a dit en début de cours, là, on voit un nouveau verbe qui est arada yuridu. Et c'est un verbe arubai, un verbe à 4 lettres. Et le verbe à 4 lettres, comment il se conjugue? Il se conjugue, il vient là. Ça dépend comment ces lettres sont placées, mais en général, el harf al mudari'a. La lettre qui est au début, comme le Hamza ou le Ya ou le Ta, il prend une Dhamma. Tu dis You. Le soulassi, on dit Ya. Ça l'aime Zahaba, Yazhabu. Vous voyez Amal Rubai, et c'est le seul d'ailleurs. Vous voyez, lui commence par une Dhamma. Arada Yuridu. Il vient à la wazn Yuf'ilu. Vous voyez, à la wazn Yuf'ilu. Comme ça, tu arrives à différencier entre un verbe à 4 lettres et un verbe à 3 lettres. Car certains, si tu ne connais pas le mardi, tu ne peux pas savoir. Donc cette chose-là te permet de distinguer entre les deux. Donc dès que tu vois un verbe, Moudalir, commence par un Dhamma, You, Tu, Turidu, Yuridu, Uridu, ainsi de suite, ou d'autres verbes. Et alors, sache que c'est un verbe à 4 lettres. Et Arada, ça veut dire vouloir, comme on l'a dit. Kafikuli Ta'ala, Yuridu Allah bikumul yusr, Allah vous veut la facilité. Voilà, il du commun de il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc il dit Salifan, Dor fil falor fimayali el fir yurid, bad isnadihi il est damayir et munasaba. Donc il dit place dans les places vacantes ce verbe qui est yurido après l'avoir attaché au damir qui correspond. Donc tu mets le damir qui va avec, ou un muttasil, ou un mustatir. C'est-à-dire je mets le oula. ماذا تريدون يا إخوان؟ نعم. Que voulez-vous, ô les frères؟ ثانيا. أختي تريد هذا القلم. نعم. Ma sœur veut ce stylo. أين الفاعل هنا؟ أختي تريد هذا القلم. أين الفاعل؟ نعم. أحسنت. ثالثا. أتريدي هذه المجلة يا ليلى؟ Pourquoi tu enlèves le nun? أتريدين؟ نعم. هذه المجلة يا ليلى؟ نعم. Veux-tu ce magazine ou ليلى؟ رابعا. الصحيفة تريد أيوة مجهول الحركة الصحيفة صحيفة أحسنت تريد أم مجلة يا أخي مجلة يا أخي نعم Est-ce un journal que tu veux ou un magazine ou mon frère Khamisan. Ana uridu ashya'a kathiratan min as-souqi. Non, je ne sais pas pourquoi ils ont oublié le lien. Avant c'est kathira. Là ils ont pris kathra ou kathra. Même pas mille liens. Il dit moi je veux beaucoup de choses du marché. En fait, souvent on dit soupe, t'as vu, on met dans le marché, mais en fait, c'est tout lieu de commerce. Tu vois, même un centre commercial, ça peut s'appeler un marquez tijari, et ça peut aussi s'appeler un souk. Faut pas que les gens, quand on dit souk, ils s'imaginent comme le marché qu'on a en France, par exemple. Ça veut être commerce. Non. Ça a dit ça. Non. Que voulez-vous, ô mes sœurs ? Ça a bien. نحن نريد مصحافا صغيرا. Donc elle dit nous voulons un petit mushaf. Mushaf, comme tu sais, c'est le livre qui contient le Coran. الطلاب يريدون دفاترهم. نعم. Les étudiants, les élèves veulent leur cahier. Tafsian. المدرسات يريدنا أيوة نعم المدرسات يريدنا الطباشير donc il dit les enseignantes veulent l'écrit الطباشير c'est l'écrit عاشير المدير يريد قائمة أسماء الطلاب. قائمة أسماء الطلاب. نعم. Le directeur veut la liste des noms des étudiants. نعم. مفهوم هذا. هذا يريد. رابعاً، on laisse le رابعاً. On ne fait pas, inshallah. C'est un truc qu'il faut plusieurs frères ou quoi? Un truc chafaoui d'un truc de ce prochain oral. On met de côté. On passe directement au cinquième. Maintenant, il va faire quoi? Il va te montrer le mu'annas, taillé, des couleurs. Comment on prend le féminin des couleurs? Et ça vient à la voix. Fa'la'u. Taillé, fa'la'u. Akala. Le masculin vient la wazm af'al, comme aswad, مثلا. Aswad, مثلا, qui veut dire noir. Il est à quel wazm? À la wazm af'al, sur la mesure af'al. Le hamza, c'est le hamza. Le sin, c'est le fa. Le waw, c'est le ayn. Et le del, c'est le len. Vous voyez? Il est sur la mesure af'al. Ça c'est le masculin. Maintenant le féminin. Aswad, son féminin c'est Sauda. Avec Alif Mamdouda. Sauda ou. Vous voyez? Alawaz. Fa'la ou. Sur la mesure, fa'la. Le fait, c'est le signe. Le Aïn, c'est le Waou. Le Lem, c'est le Del. Le Alif, c'est le même Alif. Et le Hamza, c'est le Hamza. C'est pareil. Donc, tous les féminins des couleurs viennent sur la mesure Fa'la. Donc, il a dit Dor, fil foror, fil mayali, mouanath al-asma dallati al-alwan. Donc il dit, mets dans les places libres. Vous voyez, le mot le féminin des mots définissant les couleurs. Comme cela est éclairci dans les exemples. Mathalan, il dit, Qalamun Ahmaru, stylo rouge. مثلاً. Donc comment c'est au féminin? حقيبةٌ حمراءُ. Une sacoche rouge. شعرٌ أسودُ. Cheveux noirs. Tu veux dire quoi? لحيةٌ سوداءُ. Une barbe noire. طبعا تفضل انت. منديل ابيض ورقه بيضاء. نعم منديل ابيض موشوار بلون ورقه بيضاء اون فاي بلانش اون باج بلانش ورقه نصف فاي. ملف اصفر سياره صفراء. نعم دوكيمون و كلاسور روج اون فواتور روج. قميص اخضر شجارة خضراء. نعم قميص فير ان ارب فير لا شجرة ان ارب دي فيمينا. رجل اسمر امرأة سمراء. نعم ان هوم مات سما اسمر سي كولور مات فونسي مي سان فيت نوار مات دو بو تدي امرأة سمراء. نعم Donc il dit سادسا اقرأ ما يلي متألما الأسماء دل على الألوان. Donc il dit lis ce qui suit tout en méditant sur les noms des couleurs. Donc là il va te refaire un khurasa de ce que tu viens de prendre. Il dit je mets l'oula شعر رأسي أسود ولحيتي بيضاء. Donc il dit les cheveux de ma tête voyez sont noirs. Et ma barbe est blanche. Uridu qalaman azraka wa hakibatan hamra. Dit je veux un stylo bleu et une sacoche rouge. Thalithan huwa asmaru wa zawjatuhu ayda samra'u. Il dit il est mat et sa femme également est mat. Rabi'an sayyaratul mudir hadra'u wa sayyaratul mudarrisu wa mudarrisi bayda'u. Il dit la voiture du directeur est verte. Et la voiture du professeur est blanche. Khamisan, Adil Bakaratu Saudaou Jamilatun. Il dit cette vache noire est belle. Saadis, Majmala di Zahrata Hamra. Donc il dit, comme est belle cette rose rouge. Zahra, c'est une rose. Sabian, Hati Burakaten Beida. Mamana Hati. Donne une feuille blanche ou une page blanche. Waraka safha qui veut dire une page. Waraka une feuille. Non. Thaminan, liman a dit seyyara et safra. A qui cette voiture jaune. Safra, c'est le monnaie de asfar. Tasiran, et hada daftaru zu el ghilaf il asfar laka ya hafsa ou laki ya hafsa. Donc il dit, est-ce que ce cahier qui a une couverture jaune est à toi ou Hafsa? Ashir, majmala tilka shajara al hadra allati amam al jami'a. Donc il dit, qui comme est belle ou comme est beau enfin l'arbre vert qui se trouve devant l'université. Tamam. Sabian il dit, dor fil fara fi ma yali kalimatan tadulu ala lawn munasib. Donc il dit mets dans les trous un mot qui démontre une couleur qui correspond avec le sujet. Donc ça celui-là, Inch'Allah, c'est à cause du bait. Il ressemble beaucoup aux exemples précédents. Les phrases à son proche. Ça y est. Le féminin des mots de couleur, il est comme le masculin. Il est mamnoun sarf. Vous voyez, tu dis Sayyaratu ou Sayyaratun Hamra ou tu parles comme tu dirais Dakhaltu Sayyaratin Hamra A. Vous voyez, tout comme tu dirais Dakhaltu fi Baytin Ahmara. Vous voyez, pareillement, les couleurs au féminin, elles sont mamnoun sarf. La mélotafian, il va te donner une nouvelle catégorie de noms qui n'ont pas été cités dans le kitab Awel, dans les Mamdoum al-Sarf également. Il dit Amel Mayali, Khalid, Hamid, Aliyun, Wahishamun. Ces quatre noms-là sont de nos propres masculins. Et ils n'ont rien de particulier, ils ont un tanouin à la fin. Regarde, Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hishamun. Maintenant, le fou, il va te donner quatre autres noms propres, également masculins, qui eux, par contre, sont Mamdoum al-Sarf. Omaru, Zufaru, Hubaru, Zuhalu. Et il te dit, Omar, c'est Marouf. Omar, c'est un nom d'homme. Zufar Kazalik. Zufar, c'est un nom d'homme. Hubalu, il dit quoi? C'est le nom d'une idole. Voyez. Et Zuhalu, c'est le nom d'une étoile, d'une planète. Voyez. C'est quoi le lien qui ont ces quatre noms qu'on vient de lire là? C'est quoi leur lien? C'est qu'ils ont le même. Commence par une dama, puis après fatha, après dama. Voyez, ben facilite-toi, mets-toi avec le wazm, c'est ça. C'est qu'ils sont tous sur le wazm fou'al. Fou'al, non. Ils viennent tous sur le thème fou'al, la mesure fou'al. Exactement. Donc, tout ce qui vient sur à la waz, fu'al, et qui est un nom propre, ism alam, il est mamnoum nasaf. Vous voyez ? Ça s'appelle al-adl. Ça viendra, Inch'Allah, dans un autre élu. Donc, dès que tu vois un nom propre, tu vois, ism alam, qui vient à la waz de fu'al, sache qu'il ne prend pas de tanouin, et qu'il sera majurur avec une fatha. Quand même, ça va jouer avec une fatha. Nana va te montrer quoi la différence qu'il y a entre Omar et Amr. Il t'explique pourquoi Amr, il s'écrit avec un waou à la fin. Amr, c'est un nom propre, masculin, katatada. Non. Donc il te dit quoi? Am, c'est un nom propre masculin. Et il s'écrit comment? Il s'écrit qu'un waou à la fin. Akada. Am. Seulement, ce waou, on ne le prononce pas. Tu dis pas Amrou. Pourquoi ce waou a été mis? C'est pour pouvoir le distinguer de Omar. Parce que si on enlève le waou, ils sont pareils tous les deux sans harakat. Aïn, aïn, mim, mim, ra, ra. Vous voyez? Donc pour distinguer entre les deux noms, on a mis un waou sur Amr. Et Omar, il est mamnou min al-sarf, ou Amr, il ne l'est pas. Amr, tu dis Amrun. Cependant, tu ne peux savoir qu'il est mamnour, ou du moins qu'il n'est pas mamnour Nesorf, à un seul moment, Amr, lorsqu'il est en dessous. Pourquoi? Tu dis par exemple, Ra'aitu Omar. Si on ne met pas de harakat, tu fais comme ça, il n'y a rien. Tu vois? Seulement Amr, tu vas pouvoir mettre Tanouin avec le Alif. Donc là, tu vois que lui, il n'est pas Mamnoum al-Sarf. Donc tu sais que c'est pas Omar. Seulement quand tu le mets, quand il est Manfour, il n'y a pas de différence. Quand il est Majour, il n'y a pas de différence entre les deux. Le seul moment où tu prends une différence entre les deux, c'est quand il est Mansour. Quand tu mets le Tanouin, Alif. Tanouin, Fatha. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de différence. Donc pour ça, on met un waouh. Comme ça, tu sais qu'on dit Am et c'est pas Omar. Même Al-Farq. Donc là, il y a des exemples pour que tu comprennes mieux. Il dit Ta'amel Mayadi. Alif. Haza Talibu Ismu Amrun. Taïb. Cet élève s'appelle Amr. Et là, Amr, il est quoi là? Il est Marfoua. Comme tu vois, il y a une Tanouine Dhamma. Thanien. Eina Amrun. Où est Amr? Donc là, pareil, il est marfoua. Thalithan, daraba amrun, amra. Donc là, on dit quoi? Amr a frappé Omar. Ça y est, daraba amrun, Omar. Donc Amr a frappé Omar. Et là, si on enlevait le waou de Amr et toutes les harakat, tu ne sauras pas qui est qui. Tu verras Omar deux fois. Daraba Omar, Omar. Rabi'an, Amrun, Talibun, Jadidun. Donc Amr est un nouvel étudiant. Et là, pareil, il est marfour. Donc, comme tu le vois, lorsqu'il est marfour, si on enlève les harakat, tu ne verras pas de différence entre Amr et Omar. Cependant, maintenant, il dit quoi? Ben, deuxième exemple. Ara'aita Amran. Là, on a mis Tanwin, Fatha. Il apparaît. Thaniyan, sa'ala al-mudarrisu Amran as'ilatan kathira. Le professeur a interrogé Amr beaucoup de questions. On a posé à Amr beaucoup de questions. Donc là, pareil. Amr, il y a maqul bihi. Donc il y a mansoub. Et là, on a mis quoi? Tanwin, Fatha. Donc là, t'apparaît clairement qu'on parle de Amr et pas de Omar. Parce que Omar n'est pas de Tanwin. Comme il est même le sarf. Et ça, les fans, là, tu vas voir les deux, ils apparaissent avec la différence. Daraba, Omar, Amran. Donc là, Omar, il est quoi? Fa'il, marfou. Et Amran, il est quoi? Mafoulbi. Donc on l'a écrit avec le Tanwin, Fatha. Et là, en écrivant, même si on enlève les harakat, le Tanwin, Fatha, t'es obligé de mettre un alif. Comme ça. Ouais, au minimum, tu enlèves les deux fathas, le alif y reste. Comme ça, sans harakat, tu es obligé de le mettre. Donc tu sais que c'est quoi? C'est pas Omar. Tu sais que c'est pas Omar dont on parle. Troisième exemple, Jim. Il dit Hada kitabu Amrin. Donc là, il est quoi? Il est majrour, il est mudaf ilayh. Et là, on écrit le waou. Tu sais, dans Raf, on écrit le waou. Et dans Jar, on écrit le waou. Thaniyan, l'imam a kolem, wali amrin. A qui ce stylo? Il est Amr. Thalithan, la'ibtu ma amrin. J'ai joué avec Amr. Donc tu vois, comme je l'ai dit, les trois cas, quand est-ce qu'on écrit le waou? Dans le raf et dans le jar. Et dans le nof, pas la peine de le mettre. Pourquoi? Parce que le tanwin, fatha, il te montre que ce n'est pas de Omar comme on parle, donc on n'a pas besoin du waouh. Donc après, tu fais équipe, le khurasa, amrun, amran, amrin. Comme tu vois, le waouh, il était enlevé dans le nof. Là que Omar, Omaru, Omara, Omara. Là, le mansoub avec une fatha, et le majrour avec une fatha pareil, parce qu'il est mamnoub le sarf. Et lui, il n'a jamais le waouh. Parce que Omar, c'est Omar. Afoum el fok bena Amr ou Omar. Tu verras souvent Amr cité dans les kutub de Nahou. Amr ou Zayd. Très souvent, on met ces deux noms-là. Talib, Ashiran, Ikra Mayali. Lis ce qui suit. Donc maintenant, il va vouloir quoi? Te montrer un nouveau mot. Enfin, tu le connais sûrement déjà. Son mot zakar et son mot anef. Et c'est quoi? C'est Ahar. Qui veut dire autre. Vous voyez, qui veut dire autre. Et Ahar, il est également Mamnour Nesarf. Car Ahar, Mam Waznou, la Aï Waznou. Ahar, la Aï Waznou. C'est quoi sa mesure? Avec Fa'ala. Je sais pas, il n'y a pas de problème. Et si tu sais, dis-le. Mais surtout, ne t'aventure pas à monter. C'est là que tu peux sentir une chose que je dirais pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas. Ça y est. Il y a la wazn af'al. Ça y est, akhar à la wazn af'al. Non. Donc, af'al, on a dit quoi? Ils sont maintenant nasaf. Il rentre dedans. Il dit Kharaja ibn al-Fasli Hamzatu wa Talibun Akhar. Donc Hamza est sorti de la classe ainsi qu'un autre étudiant. Donc Akhar ça veut dire autre. Thaniyan هذا بيتنا ولنا بيت آخر. Cette maison la nôtre, et nous avons une autre maison. ثالثا دخل المكتبة قبل قليل المدير ورجل آخر لا أعرفه. Il dit donc, le directeur ainsi qu'un autre homme sont entrés dans la bibliothèque il y a peu de temps et je ne le connais pas. C'est-à-dire, je ne connais pas cet autre homme qui était avec le Moudir. Là, Alifou. Que le Shahid, c'est Rajulun Akhar. Rabi'an, Raba El-Yoma, Bashirun wa Talibun Akhar. Donc aujourd'hui, Bashir ainsi qu'un autre étudiant se sont absentés. Raba Yaribu, ça veut dire s'absenter. Raba Yaribu. Khamisan, Raitu fil motor, Mudarrisana ou Mudarrisan Akhar. Il dit, j'ai vu à l'aéroport mon professeur ainsi qu'un autre professeur. Akhar. Et regarde bien, il ne dit pas Mudarrisan Akharan. Comme je t'ai dit, il est maintenant dans le surf, donc il ne prend pas de tamrin. Ça, c'est le masculin, Akhar. Et le féminin, c'est quoi? Ukhra. Et Ukhra, avec un alif, même, alif maksoura. Voilà. Il dit, سأحفظوا اليوم سورة الرحمن وسورة أخرى. Donc, je vais mémoriser aujourd'hui سورة الرحمن ainsi qu'une autre sourate. ثانيا عندي ساعة جميلة وسيشتري لي عمي ساعة أخرى. Il dit, j'ai une belle montre et mon oncle paternel va m'acheter une autre montre. Et on a dit quoi? يشتري, ça veut dire acheter. Et là, le signe qui est devant, c'est حرف مستقبل, pour dire le futur. ثالثا غابت أمسي حفصة وطالبة أخرى. Donc il dit hier sont absentés Hafsa ainsi qu'une autre étudiante. طالبة أخرى. رابعا هاتي نفاحة أخرى يا أمي. أتفاحة, c'est pas un nom, c'est un thé. Donc هاتي تفاحة أخرى يا أمي. Donc donne-moi une autre pomme ô ma mère. Donc, tufaha, c'est une pomme. Khamisan, raitu fil maktabati Leila wa talibatan ukhra. Donc, j'ai vu dans la bibliothèque Leila ainsi qu'une autre étudiante. Il dit, ahada achar, akmil jumel atiata bi wad akhar a ukhra fil fara. Donc, dans les trous, il faut mettre le akhar ou l'ukhra. Turquie ou l'ouratan ukhra. Non, j'ai étudié la langue turque ainsi qu'une autre langue. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Non, j'ai écrit une lettre à mon père ainsi qu'une autre lettre à ma mère. Sa'al al-mudarrisi. La. Mudarrisa. La. Sa'al al-mudarrisu. Non. Khalidan. وطالبًا آخر. نعم. Donc le professeur a interrogé Khalid ainsi qu'un autre étudiant. رابعا خرجت الآن سيارة المدير وسيارة أخرى. نعم. Il vient de sortir un instant la voiture du directeur ainsi qu'une autre voiture. سمعت هذا الخبر من إذاعة لندن ومن إذاعة أخرى. نعم. Il dit, j'ai entendu cette information depuis les ondes de Londres ainsi que d'autres ondes. De là, on va dire radio. Non. Ça dit ça. Shtaraytu. Shtaraytu. Shtaraytu. Hada al-kitaba wa kitaban ukhra. Là. Kitaban akhar. Non. Il dit, j'ai acheté ce livre ainsi qu'un autre livre. Ça bien. Zaraba ulaika ar-rajul. Ar-rijal. Ar-rijal. Bilalan. Donc il dit, ces hommes ont frappé Bilal ainsi qu'un autre étudiant. Faminan. Ra'aytu Khadijata wa talibatan ukhra 'inda al-mudira. Non, il dit, j'ai vu Khadija ainsi qu'une autre étudiante chez la directrice. Tasian. Kharaja min al-masjid al-an al-imam wa rajulun akhar. Donc il dit, vient de sortir de la mosquée actuellement ou du masjid l'imam ainsi qu'un autre homme. Ashiran. Ghasilat أختي غسلت غسلت أختي القميص الأخضر القميص القميص الأخضر وقميصا آخر نعم donc il dit ma sœur a lavé le camis vert et un autre camis نعم مفهوم آخر وأخرى ثاني عشر تأمل المثال ثم أكمل الجملة الآتية بوضع ذو أو ذا في الفراغ. Donc maintenant on va revenir comme on avait dit. ذو من الأسماء الخمسة أو ستة. C'est-à-dire fait partie des cinq noms ou on peut dire aussi les six noms. Leur particularité, on a dit, c'est lorsque dans le raf, le signe du raf c'est quoi? Waouh. Comme Abou, t'as dit, tu dis quoi? Abouka, Abouha, Abouhum. Ou al-akh, كذلك. أخوها أخوك أخوهم et ذو il rentre parmi la même catégorie de nom tu dis ذو مال ذو العلم ذو كذا وذو كذا celui qui a de la science celui qui a de l'argent et quand ils sont منصوبة dans le نصب leur signe c'est quoi الأليف tu dis رأيت أباك رأيت أخاك Même, Fazal est pareil. Tu vas dire Sahibtu Zahilmin. J'ai fréquenté une personne de science. Une personne qui a de la science. Regarde, il dit Indi Daftarun Zubarakin Musattarin. J'ai un cahier avec des feuilles, avec des lignes. هذا مصحف ذو حرف كبير. Ce مصحف a des grandes lettres. Ça, c'est quand il est مرفوع. ذو ذو. Et maintenant, il va te mettre منصوب. اشتريت دفترا ذا ورق مسطر. Donc j'ai acheté un cahier, voyez, qui a des feuilles avec des lignes. اريد مصحفا ذا حرف كبير. Je veux un مصحف qui a des grandes lettres. طيب, là اشتريت دفترا ذا ورق مسطر اين المفعول به دفترا اذا بكل منصوب سي با مفعول به سي ان بدل voyez ou un sifa plutôt et sifa là après non nat sifa nat donc on avait dit quoi nat il prend la même irlob que le manout voyez et pareillement dans ouridou mushafan za za harfin kabirin donc là za il est quoi nat de mushaf qui lui-même m'a produit. Maintenant, il faut qu'il mette dans les trous Zou, Aou, Za. Je vous mets le Oula. Rindi, Daftaroun, Zou, Ghilafin. Ghilafin. Ghilafin, Jamilin. Non, mais dis-je un cahier qui a une belle couverture. Thanian. Uridu, Daftaroun, Zou, Ghilafin. Akhdara. Non, dis je veux un cahier qui ait une couverture verte. Ça, Alisan. Ra'aytu ma'a al-mudiri rajulun. La. Rajulan. Non. Za lihyatin bayda. Il dit j'ai vu avec le directeur un homme ayant une barbe blanche. Rabi'an. Alors, ayna talibu jadidu. Il dit où est le nouvel élève qui a de belles lunettes. Khamisan. Man hadha ar-rajulu dhu sha'ri tawil. Il dit qui est cet homme qui a de longs cheveux. Sha'r, ses cheveux. Sadisan. Is'al dhaka ar-rajula dha al-qamisa. La. ذا القميصا لا. C'est quoi qui vient après vous? Il y a quoi qui vient Il n'y a pas de termine, il y a l'ifolème. Non. Non. Interroge cet homme qui porte un camis vert ou jaune. Sabian. لمن ذاك البيت ذو النوافذ الضيقة ضيقة qui veut dire étroite petite. À qui est cette maison aux petites fenêtres? En tout cas, souvent c'est quelque chose de étroit, de serré. ثامنا عندي معجم ذو صور ملونة. Il dit j'ai un dictionnaire qui a des images colorées. Moulawwana, c'est coloré. Et soua, c'est le pluriel de soura, qui est une image. Tasian. Ishtaraytu mu'ajaman. Mu'ajaman. Mu'ajaman. Dha suwaratin. Là. Suwarin moulawwanatin. Non, mais il dit j'ai acheté un dictionnaire qui a des couleurs. Des images colorées. Ashiram. Fi qaryatina masjidun dhu manaratin wahidatin. Il dit dans notre village un masjid qui a un minaret. Hadi Ashar. Ra'aytu masjidan dha manaratin dha manaratin dha manaratin wahidatin. J'ai vu un masjid qui a un seul minaret. Mafoum, zou, et ça. Et bientôt on va prendre le jar. Et quand zou, quand les asmal khamsa sont majrour, tu te rappelles, je dis c'est quoi? Majrour, avec la fatha. Là. Tu peux te déduire. Il est mansoub avec un waouh. Il est marfou avec un waouh. Mm. Il est mansoub avec un alif. Donc si les majeurs, ça va être quoi? Avec un ya. Avec un ya. Normalement, Inch'Allah, ça va bien. Salif Achar. Ta'amel al-amsilata al-atiya li ma al-mawsoula. On a pris quoi, nous, les asma al-mawsoula? C'était quoi? Al-ladhi, al-lati, al-ladhina, al-lati. Quand même? Il y en a d'autres. Parmi eux, ma, ma, ça peut être un ism mawsoul. Les ma en langue arabe, il y en a beaucoup. Beaucoup, ma à avoir deux sens différents. Et parmi ces sens, le fait qu'elle soit un ism mawsoul. Et normalement, quand tu lis la phrase, Inch'Allah, tu arrives à distinguer. Tu peux distinguer quel ma, de quel ma il s'agit. Mathalène, il dit Maza ta'kul ya aliyum. Que manges-tu au Ali? Il dit A'kul ma ta'kul. C'est-à-dire, ay, quand tu vois le mot ay, ou quand tu m'entends, je dis ay, on doit aller sur le mot ay, ça veut dire c'est-à-dire. Qarib de yani. Vous voyez, ça veut dire c'est-à-dire. Donc, ay, al-shay'a al-ladhi ta'kul. Quand on dit akul ma ta'kul, c'est je mange ce que tu manges. Donc là, le ma, c'est pas un manafia. Ça aurait pas de sens sinon. Je mange, tu ne manges pas. Ça voudrait dire. Tu vois? Donc là, le sens de ma, dans cette phrase-là, c'est alladhi. A'kul ou a'kul alladhi ta'kul. Je mange ce que tu manges. Un autre exemple. Maza tashrabu ya Abu Bakrin. Que bois-tu, ô Abu Bakr? Il dit ashrabu ma tashrabu. Je bois ce que tu bois. Thanyan. Afhamu ma ta'kul. Comment tu traduirais, toi? Comprends ce que tu dis. Afhamu ma ta'kul. Non, je comprends ce que tu dis. Thalithan, sa ashtari ma turid. Je vais acheter ce que tu veux. Rabi'an, uktub ma sami'ta al-yawm fil fasl. Écris ce que tu as entendu aujourd'hui en classe. Donc là, elle l'a dit. Khamisan, nasitu ma qalali al-mudarrisu amsi. J'ai oublié ce que m'a dit le professeur hier. Nasitu ma qal al-ladhi qal. Vous voyez? Wanasitu, on avait dit c'est quoi nasiya, ça veut dire quoi nasiya? Oublié. Nasitu, c'est moi. Ah non, nasitu. Anta nasita, huwa nasiya, anti nasiti, ah c'est sûr. Sadis, qala Allahu fi surat as-saf, lima takuluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Vous voyez, là où c'est le ma, lima, c'est pourquoi. Takulun, vous dites ma ce que. La taf'alun, vous ne faites pas. سابعاً وقال تعالى في سورة الكافرون طيب لا بدي الكافرين كم شدي تقبل أو دي دي لا يسيت الأصوات كما اللي في النور بالقرآن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أو vous les mécréants je n'adore pas ce que vous adorez طيب لما لا أعبد ما تعبدون أي الذي تعبدون سامن أو سورة ثامناً قال تعالى في سورة آل عمران سَنَكْتُبُوا مَا قَالُوا Nous allons écrire ce qu'ils disent ou ce qu'ils ont dit. Là, le ma, là, c'est Ismoussoul. Vous voyez? Donc attention au ma. Quand il y en a plusieurs. D'ailleurs, ce qui est assisté maintenant, là. Il dit رَبِعْ عَشَرْ تَعَمَلْ مَيَالِي أَوَلَنْ مَا النَّافِيَا Un exemple de ma النَّافِيَا pour une négation. Tu dis مَا عِنْدِي كِتَابُنْ Là, je n'ai pas de livre. Est-ce qu'elle peut être moussoula là? Ma indi kitabun, je n'ai pas de livre. Donc là, c'est une nafia, c'est une négation. Ensuite, il dit, ma fahimtu adarsa. Je n'ai pas compris le cours. Donc là, le ma, c'est une nafia. Ma adri. Là, c'est ma nafia, je ne sais pas. Et tu peux dire ma'adri également la'adri. C'est quoi la différence entre ma'adri et la'adri? C'est que si tu dis la'adri. Allez voir, on a les prix. C'est de manière habituelle. Non, et ma'adri. Et Ali, je ne sais pas cette question. Quoi, ce point-là, non. Non, Marcin. Donc là, trois exemples avec ma, l'inafia, la négation. Ensuite, ma, al-stifhamiya. C'est la ma qui est. Pour questionner sur Rayl Aqil, une chose qui n'a pas de raison. Parmi ce qu'on a pris au début du Kitab Awal. Ma hadha. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Masmuka. Quel est ton nom? Ma hadha taktoub. Qu'écris-tu? Vous voyez, ces trois mains, voilà. C'est des mains istifhamia. Ism istifham, pour une question. Ensuite, al-ma al-mawsoula. C'est ce qu'on a pris aujourd'hui. Akul. Ma ta'kul. Je mange ce que tu manges. Sa ashtari ma turid. Je vais acheter ce que tu veux. Lima ta'kuluna ma la taf'aloun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et si tu te rappelles bien, on a pris un autre ma. Dans le ders précédent. Tu te rappelles? Al tafkur. Il est passé dans le dernier passé. L'interdit. Là, ça c'est là. Ah. Ah, et tu avais l'exercice pour aujourd'hui sur ce thème. Il y avait ma dedans. Il y avait ma dedans. Et aucune des mains qu'on vient de citer. Al-Ta'adjoub. Bah, j'ai mal à ce hier. Il y a un mal aussi au début. Mal ta'adjoubiya s'appelle. Vous voyez? Mal ta'adjoubiya. Et t'as d'autres mains encore qui vont venir. Des mains, t'en as plein. Et si avec l'habitude et que le temps, t'arriveras à assimiler entre elles. D'ailleurs, il y a un kitab très intéressant sur ce point-là, sur toutes les huruf, le sens des lettres, des particules du moins comme ils traduisent, les huruf, s'appelle El-Mourni, El-Lafif, de Ibn Hisham. Toutes les lettres y sont situées, il explique qu'est-ce qu'elles veulent dire, c'est quoi leur sens et les différences qu'il y a entre elles. Et des exemples du Coran, de la Sunna et de la parole des Arabes auparavant. J'ai un kitab très moufide. En deux volumes normalement. Enfin, mafoum, elle est forte entre ma, al-istifhamiya, ou al-mawsoula, ou al-nafiya. Et on ajoute la ta'ajoubiya aussi, c'est ce qu'on a pris. Hamis Hachar. Ta'amel Mayadi. Là, il va t'apprendre à quoi ? À refuser une chose de façon catégorique. Ma uridu shay'an. Je ne veux rien. Vous voyez, la shay'an, à la base, shay, c'est-à-dire quelque chose. Quand tu mets derrière une négation et qu'il est nakira, ça veut dire rien du tout. Ma uridu shay'an. Je ne veux rien. Ma akatu shay'an. Je n'ai rien mangé. Ma ra'aytu shay'an. Je n'ai rien vu. Ma fa'amtu shay'an. Je n'ai rien compris. Comment dire le contraire ? Laquelle tout, tout c'est... Ma uridu shay'an, c'est je ne veux rien. Non, je veux tout. Uridu shay'an. Là, c'est je veux quelque chose, là. Attention. Moi, je veux le contraire, c'est-à-dire tout. Quand tu dis moi, uridu shay'an, c'est je veux rien du tout. D'accord, toi, tu veux... Et si tu dis uridu shay'an, c'est je veux quelque chose. D'accord, tu me dis je veux tout. Ouais. Uridu... T'as un mot rajouté. Kulla shay'in. Tu rajoutes le mot kul, qui veut dire tout. Uridu kulla shay'in. Alors, si tu dis uridu shay'an, c'est je veux quelque chose. Vous voyez la différence ? Par contre, dans la négation, quand même il est au singulier et qu'il est nakira, il relie toute chose. C'est rien du tout. Non. Sadif Hachar. Nakul el Qur'an ou Kitabullah. Le Qur'an, c'est le livre d'Allah. Qara'tu le Qur'an. J'ai lu le Qur'an. Ahfazu le Qur'an. Je me mémorise le Qur'an. Et le Qur'an, sifatun min sifatillah. Vous voyez, le Qur'an, sifatun min sifatillah. Tu peux jurer par le Qur'an. Vous voyez ? Par contre, quand tu dis Qur'an, c'est quoi que tu t'as l'intention ? C'est la sifat. L'attribut d'Allah. Vous voyez, c'est pas comme certains disent, ouais, je suis au Qur'an de la Mecque. Il faut qu'on ait un Qur'an de la Mecque qui n'est pas ailleurs, tu vois ? Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. En tout cas, eux, l'expression, ils visent le livre. Et ça, c'est du shirk. Parce que quoi, il a juré par autre qu'Allah, par une créature. Mais le Qur'an, en lui-même, le Qur'an, c'est la parole d'Allah. Donc c'est l'attribut d'Allah. Ça y est ? D'ailleurs, le Qur'an, rien de makhrouk, il n'est pas créé. Maintenant, le livre en lui-même, qui contient le Qur'an, on appelle le Mus'haf. Lui, il est créé. L'encre qui est dedans, elle est créée. L'écriture qui est dedans, elle est créée. Mais le contenu en lui-même, le Qur'an, vous voyez, c'est un attribut d'Allah. Il n'est pas créé. D'ailleurs, ça a fait une grosse fitna à l'époque d'Imam Ahmed, comme tu as dû le savoir. Il était torturé par rapport à ça. Et il était le seul avec un autre, Ahmed Abou Youssouf, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. Deux seulement ont tenu dans l'épreuve, qui ont été torturés, et qui ont refusé de dire que le Qur'an est créé. Imam Ahmed, et l'autre, je crois que c'est Ibn Youssouf ou Abou Youssouf, je ne sais plus, Abou Ahmed Abou Youssouf ou Ibn Youssouf. Par contre, lui, il est mort en sortant de prison. Il a été torturé aussi, il a tenu, et en sortant de prison, il est mort. Les autres, ils ont tous capitulé. Ou ils ont fait des talbissats, pour ne pas le dire, mais pour que celui qui pose la question croit qu'ils le disent, mais en fait, ils n'ont pas dit. Ou d'autres l'ont dit, et voilà quoi. Même des grands imams n'ont pas tenu. Tu vois ? Ce qui prouve que le haq, d'ailleurs, n'est pas basé sur la quantité ni sur le plus savant. Mais il est basé sur quoi ? Sur le dalil. Et la fermeté sur la chose. Et d'ailleurs, comme il a été dit, que l'islam a été sauvé deux fois par Abu Bakr al-Siddiq, lors de l'histoire de Ridda avec les Arabes, ceux qui ont refusé de donner la zakat, et l'autre fois avec Imam Ahmed, dans cette histoire-là, le Coran. Tu vois là, il a sauvé l'islam deux fois par ces deux hommes. Non. Donc, on dit Nakul, Indi, Salasatu, Masahif. Donc, j'ai trois Mushaf. Le Mushaf en lui-même, c'est l'objet. À la base, Mushaf, c'est une chose qui contient des feuilles. Mais il s'emploie particulièrement pour le Coran. Quand on dit Hat le Mushaf, on sait ce qu'on veut dire. C'est on veut le livre qui contient le Coran. Donc, je dis Wadartu al-Mushaf al-Maktab. J'ai posé le Mushaf sur le bureau. Akra min al-Mushaf. Je lis dans le Mushaf. Vous voyez ? Donc là, tu vas dire min al-Mushaf. Tu peux dire Akra al-Qur'an directement. Par contre, tu vas dire Akra min al-Mushaf. Je lis dans le Mushaf. Tu as vu la différence qu'il y a entre le Qur'an et le Mushaf ? Non. Sabi Asha, ta'amel mayali. Ghayr, le mot ghayr. Ghayr, c'est un mot qu'on se sert pour une négation. Vous voyez ? Ça se traduirait par non quelque chose. Par exemple, une erreur que beaucoup de gens font à notre époque, même beaucoup de salafis d'ailleurs, quand ils veulent employer des termes gentils pour pas brusquer les koufars, ils disent non musulmans. Vous voyez, ça se dit pas non musulmans, ça n'existe pas. Que quelqu'un apporte un dalil qui écrit règne muslimine dans le Coran, dans la Sunna. Kafir, c'est un kafir. Il n'y a pas non musulman. Non, il est mécréant. Qu'il soit frustré, qu'il soit vexé ou quoi, tu vas faire une darwa, on va dire, plus acceptable que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit un toum règne muslimine. Il a dit un toum koufar, un toum mouchékoun, un toum anjas. Des impuretés. Et des gens aujourd'hui viennent dans non musulmans et tout. Tu veux dire quoi par non musulmans? Ça se dit pas dans l'islam non musulman, c'est que c'est pas non musulman. Tu dis kafir. Vous voyez, mouchrik. Tous les mots qui ont été employés dans le Kitab al-Sunna. Et là, si on veut traduire non musulman en arabe, on dirait quoi? Ghayr muslimin. Donc ghayr, il veut dire non. Par exemple, rappelle-toi, on avait pris quoi? Ma al-stifhamiya. C'était pourquoi on avait dit? Pourquoi? Ghayr al-aqil. Une chose qui n'a pas de raison. Vous voyez, on a mis ghayr al-aqil, une chose qui n'a pas de raison. C'est pour mettre une négation aussi. Par exemple, il dit Haza al-waraku musattarun. Vous voyez, cette feuille a des lignes. Donc là, tu affirmes qu'elle a des lignes. Et le contraire, c'est Haza al-waraku ghayr musattarin. Cette feuille n'a pas de lignes. Donc ghayr, comme on dit, il vient en donnant une négation et il est moudof, il vient derrière lui, moudof ilay. Il est moudof, il vient derrière lui, moudof ilay. مثلا هذا الخبر صحيح. Cette information est vraie. هذا الخبر غير صحيح. Cette information n'est pas vraie. Voyez, غير en fait ça veut dire c'est comme ليسا. Ce que ليسا. Mais on les entend pas pareil tous les deux. Des fois on met غير, des fois on met ليسا et des fois on peut mettre les deux. Mais ليسا c'est un verbe et غير c'est un nom. Voyez, غير c'est un nom. Donc il y a quand même non musulman. Prends garde de ne pas dire non musulmans pour avoir peur de les offenser. Ils disent eux, non chrétiens, les koufars, non juifs. Hein? T'es un goy, les juifs ils disent. C'est ça qu'ils disent, un goy. Vous n'êtes pas un juif, t'es un goy. Et les chrétiens, je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas ce qu'ils disent les chrétiens pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Peace. Mais ils disent pas non chrétien. Ils disent pas t'es un non chrétien. Donc nous, on va commencer à essayer d'être plus gentils avec eux qu'ils ne sont avec nous. Hein? Ouais, voilà, c'est les Yéhouans qui utilisent ce genre de termes. Et aujourd'hui, les salafis s'y mettent. Tu vois? Le dialogue avec les non-musulmans, les relations avec les non-musulmans, les machins avec les non-musulmans. Je fais, non, avec les mécréants, dis-le. Les salafis, les moumeïa, surtout. Hein? Les moumeïa. Ah, non. Parce que si quelqu'un te dit, je suis mécréant, tu lui dis quoi? Tu lui dis, t'es pas mécréant? Il va dire, non, je suis pas mécréant. Tu dis, crois en Allah? Il va dire, pas Allah, mais Dieu, tu vois. Est-ce que tu crois en Allah? Je crois en quelque chose. Voilà. Tu dis, tu crois en Allah? En ses noms et attributs, en ses livres, en ses messagers, et au destin, qui sont bons ou mauvais, il va dire non, je crois pas en ça. Il va dire donc tu m'écrois. Il va dire non, donc t'es un mécréant. Tu dis par exemple, moi, tu m'interroges, est-ce que je crois en Jésus comme vous le dites, qu'il est mort sur la croix? Je veux dire, moi, j'y m'écrois. Si tu parles de mécréant, je veux dire, ouais, j'assume, je suis mécréant. Je vais croire en votre religion. C'est pas une insulte. C'est juste une un qualificatif. Tu dis, moi, je m'écrois en ça. Donc le kafir, hein, tu le vois, tu dis, est-ce que tu crois au Coran, ce qu'il y a dedans? Il va dire non. Donc tu m'écrois. Il va dire oui, donc t'es un mécréant. J'ai pas dit que t'étais un violeur, j'ai pas dit que t'étais un je sais pas quoi. T'es un mécréant pour le nom de l'islam. Tout comme moi, si toi tu crois en ta religion, moi je mécrois en votre religion. Donc si tu me traites de mécréant par rapport à ta religion à toi, j'accepte, y a pas de problème. Par contre, par rapport à l'islam, non, moi je suis un croyant. Et eux, pour eux, ils veulent arriver, ah, vas-y, t'es pas mécréant, tu vas les faire fuir. Ah, la idée, la houda, elle est pas de moi, tu vois, elle est dans moi. Moi je dis comme le prophète l'a dit, celui qui accepte, alhamdoulilah, celui qui accepte pas, moi j'ai rien à me reprocher. Mais non musulmans, on a peur que toi, par contre, tu essaies de faire une concession, tu vois. Plaire. Voilà, tu veux leur plaire, tu veux pas les blesser. Ah. Et ça, ça fait pas partie de la darwa. Bien, il faut pas les agresser non plus, c'est vrai. Mais employer les mots comme ils sont venus. Et on fera pas mieux que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On fera pas mieux que lui dans la darwa. Non. Donc là, on prend le kilimètre et djadida. Mashaf, on a dit c'est quoi? C'est le livre qui contient le Coran. Le deuxième c'est Masahif. Vous voyez, Masahif. Omesh, le deuxième c'est Akmisha. Ça c'est quoi? Tissu ou étoffe. Tissu ou étoffe. Doyyebun, ça c'est étroit. Ça peut être petit, souvent c'est étroit. Par exemple, ta cool, Endi Malabis, Doyyeba. J'ai des vêtements étroits, serrés. Moussattaroun, ça c'est une chose qui a des lignes. Vous voyez? Une chose qui a des lignes. Raba Yaribu. Absenté, être absent. Halwa, jam, halawa. Ça, c'est les sucreries, les bonbons. Namourej, jam, namazij. C'est un échantillon d'une chose. Un bout d'une chose. Akhar, el mouanes, c'est ukhra. Ça, c'est autre. Akhar, c'est autre. Et son mouanes, c'est ukhra. Shay, jam, ashia. Shay, ça veut dire chose. Vous voyez, shay, ça veut dire chose. Et son jam, c'est ashia. Et il est mamnoum le sarf, d'ailleurs, ashia. Ishtara, yashtari, qui veut dire acheter. Ça, c'est un verbe à 5 lettres, à khumasi. On va apprendre, inshallah, comment il se conjugue. Safun, jam soufouf, les rangs. Souratun, jam souar. Ça, c'est quoi une image? Vous voyez, avec un sod, hein, souar. Avec un sil, c'est le sourate, comme cela a été traduit. Asmar, mouanas, samra, c'est mat. C'est ce qui est avant d'être noir. Tu vois une personne qui a la peau foncée, mais qui n'est pas noire. On va dire, Foulen Asmar. Mafoumada? Non. Andexouel? Là. Voilà. Fanak tafibi hada wa nakul, alhamdulillah, bil alamin.